La Corée remporte toujours des succès dans le relèvement des régions sinistrées de la province du Hamgyong du Nord. Dans les 6 villes et arrondissements, on a achevé les travaux de l'ossature de plus de 200 immeubles à petit étage et de plus de 2500 maisons sans étage. En même temps, on a poussé dynamiquement les travaux de plâtrage de l'extérieur et de l'intérieur, dépassant ainsi respectivement 70% et 30% des travaux. Depuis le commencement des travaux de fondation à la dernière décade de septembre dernier, on a terminé les travaux de l'ossature des maisons de plus de 11 000 foyers pendant une vingtaine de jours. Alors, on a ouvert une brèche pour terminer la construction des habitations d'ensemble jusqu'à la fin d'octobre. Par ailleurs, les cadres et les ouvriers du domaine de l'industrie d'électricité engagés dans la réparation des dégâts de la ville de Faerion de la province du Hamgyong du Nord ont érigé 17 pylônes pendant 10 jours.